Praise the Lord, viewers. Welcome to this very mighty teaching. Gloire à Dieu, auditeurs. Soyez les bienvenus dans ce puissant enseignement. And again, it is a mighty, mighty blessing from the Lord that. Et encore, c'est une bénédiction très, très grande du Seigneur. That I can share with you. Que je puisse partager avec vous. Tremendous revelation that the Lord continues to bring forth through His Holy Spirit. Cette énorme révélation que le Seigneur continue d'apporter à travers son Saint-Esprit. The revelation that's embedded in the Word of the Lord. La révélation qui est intégrée dans la parole de Dieu. Even about the rapture of the church. Même à propos de l'enlèvement de l'Église. And the coming of Christ the Messiah. Et la venue de Christ le Messie. The perfect Lamb of God. Le parfait agneau de Dieu. Because today I want to speak specifically about. Auditeurs, aujourd'hui je voudrais parler spécifiquement à propos. Some new insights. De nouveaux aperçus. That the Lord, He has given to me. Que le Seigneur m'a donné. About the wedding of the Lamb of God. À propos des noces de l'agneau de Dieu. And in this case, I want to talk about the wedding of the Lamb. Et dans ce cas, j'aimerais parler à propos des noces de l'agneau. And specifically, the title of this message is. Et spécifiquement, le titre de ce message est. Redefining the remnant bride of Christ. Redéfinissant l'épouse de Christ restante. Again, like we all know. Encore, comme nous savons tous. The Lord has spoken very clearly. Le Seigneur a parlé très clairement. In His Word, in the Bible. Dans sa parole, dans la Bible. That only the perfect, spotless bride of Christ. Que seule la parfaite épouse de Christ sans tache. That is holy and righteous. Qui est sainte et juste. And pure. Et pure. Will enter into the wedding of the Lamb of God. Entrera dans le mariage de l'agneau de Dieu. So surely it's a mighty opportunity. Certainement, c'est une puissante opportunité. For me to come into your living rooms. Pour moi de venir dans les salons. Into your homes, offices, wherever you may be listening to this from. De vos maisons ou de vos travail, où que ce soit que vous soyez en train d'écouter ceci. With deeper insights. Avec un aperçu plus profond. Even as we dig deeper into the word that the Lord spoke. Même si nous creusons plus profondément dans la parole que le Seigneur dit. Because today our lead scripture is going to be based on the book of Matthew. Auditeur, aujourd'hui notre écriture guide va être basée dans l'évangile de Matthieu. Chapter 25. Le chapitre 25. Verses 1 to 13. Les versets 1 à 13. And I'm going to re-examine with you. Je m'en vais réexaminer avec vous. This mighty, mighty scripture. Cette puissante, puissante écriture. When the Lord Jesus himself. Quand le Seigneur lui-même. Spoke about those that will be able to enter into the kingdom of God. À propos de ceux qui vont être capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Into the wedding of the Lamb of God. Dans ce mariage de l'agneau de Dieu. And he spoke very clearly. Et il parle vraiment clairement. On the identity of those that will enter into the kingdom of God. De l'identité de ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. I think that is a climax and a finality. Je pense que ça c'est l'apogée de la finalité. On the definition. Sur la définition. Of what it takes to enter into the wedding of the Lamb of God. De ce que ça signifie d'entrer dans le royaume de Dieu. It's a climax and finality. Why? C'est l'apogée de la finalité. Pourquoi? Because the Lord seems to have released the secret. Parce que le Seigneur semble dévoiler le secret. To the church. À l'église. As to who will enter. Qui va entrer. And who will not enter. Ou qui ne va pas entrer. And that's why this becomes a very critical teaching. C'est pourquoi ça devient une un enseignement très important. At this very important time, dans ce temps très important, in the history of the church, dans l'histoire de l'Église, even as the prophetic timeline, même dans un temps prophétique, is progressing, c'est en progrès towards the end of age. Pour la fin des temps. And we are all aware that the Lord has spoken with me. Et nous savons tous que le Seigneur m'a parlé about the wedding of the Lamb of God, à propos des noces de l'agneau de Dieu. And on the 1st of November, the year 2006, et le 1er novembre de l'année 2006, at about 3 a.m. in the morning, à peu près 3 heures du matin, in that very sharp turning point in the history of the church, dans ce tournant tellement aigu de l'histoire de l'Église, he was able in a mighty visitation of the Lord. Il était capable, dans une puissante visitation du Seigneur, to open heaven, d'ouvrir le ciel, and present the two golden, glorious, perfect wedding rings that are heavily adorned, et présentait deux glorieux, parfaits anneaux de noces en or qui ont été lourdement embellis with the perfection of the Lord, avec la perfection du Seigneur. And he placed them at the entrance to heaven in the sky. Et il les a placés à l'entrée des cieux, dans le ciel. And through that he was able to speak a lot to the church. Et à travers cela, il était capable de parler beaucoup à l'Église. Re-emphasizing, mettant de l'importance, the perfection of the bride of Christ, à la perfection de l'épouse de Christ. The character of the bride of Christ, le caractère de l'épouse de Christ. And he spoke even about the temporal, the timing, the time. Et il a parlé à propos de ce qui est temporel, du temps. The prophetic timeline and time frame. La ligne prophétique, le corps prophétique. Within which the church has entered. Dans lesquels l'Église est entrée. And many times I've repeated this. Et plusieurs fois je l'ai répété. By saying that. En disant que. Every time there is going to be a wedding. Et chaque fois qu'il va y avoir un mariage. And the wedding rings are ready. Et les anneaux de noces sont prêts. That is usually a clear indication. C'est habituellement une claire indication that the preparations for that wedding have been finalized. Que la préparation pour ce mariage ont été terminées. And that means that wedding is ready. Ça signifie que ce mariage est prêt. And that wedding can take place anytime from now. Que ce mariage peut prendre place à tout moment depuis maintenant. Surely that is the bottom line of the message the Lord was giving. Ça, c'est la ligne profonde du message que le Seigneur est en train de donner. Even as he was defining, même qu'il était en train de définir the quality of the bride of Christ, the character, la qualité de l'épouse de Christ, le caractère. He was also talking about, il était aussi en train de parler à propos the fact that time has run out, le fait que le temps est en train d'aller vite. Anytime the wedding can take place. À tout moment, le mariage peut prendre place. Also, I've shared with you at greater length, et aussi, je veux partager avec vous sur une plus grande longueur. When 25 days from that special announcement I gave, 25 jours après cet annoncement spécial que j'ai donné, based on the message of the wedding rings in the sky, basé sur le message des anneaux de noces dans le ciel, that on the 26th of November, mais le 26 novembre, the year 2006, de l'année 2006, he came back and he showed me how they are asleep in the dust of the earth. Il est revenu et il m'a montré comment ceux qui dorment dans la poussière de la terre, the dead who were dead in Christ Jesus, les morts qui sont morts en Jésus-Christ, will be raptured from their graves, seront enlevés de leur tombe, and caught up with the Lord in his glory, et rejoindront le Seigneur dans sa gloire, in the sky, dans le ciel, on the day of the wedding of the Lamb of God, au jour du mariage de l'agneau de Dieu. And then, when I was preaching in Asia, et ensuite, quand j'étais en train de prêcher en Asie, again, in a repeat conversation about the rapture, et encore une conversation répétée à propos de l'enlèvement, the Lord at 5:38 a.m. in the morning. Le Seigneur à 5h30 du matin. On the 3rd of May, the year 2007. Le 3 mai de l'année 2007. Again, he opened heaven. Encore, il a ouvert le ciel. And at that time, 5:38. Et à ce moment, à 5h30. He presented the golden clock from heaven into the sky. Il a présenté l'horloge d'or dans le ciel, depuis les cieux dans le ciel. And when I looked at the clock, I saw that it was 11:59 p.m. Et quand j'ai regardé cette pendule, j'ai vu que c'était 11h59 du soir. In other words, it was 1 minute to midnight. En d'autres mots, c'était une minute avant minuit. Now, all these conversations put together. Maintenant, toutes ces conversations mises ensemble. They speak about one thing. Parlent à propos d'une chose. The fact that the rapture of the church is ready. Le fait que l'enlèvement de l'église est prêt. The wedding of Christ the Messiah, the Lamb of God, is ready. Le mariage de Christ le Messie, l'agneau de Dieu, est prêt. The preparations have been finalized. La préparation est maintenant finie. And the fact that only the Father knows the day of the wedding of the Lamb. Et le fait que seul le Père connaisse le jour du mariage de l'agneau. That not even the angels in heaven. Même les anges du ciel. Or the Son of Man knows the day when this wedding will take place. Ou le Fils de l'homme ne savent quand ce mariage va prendre place. The fact that that is what is embedded in the scripture. Le fait que ce qui est intégré dans la Bible. That only the Father knows the day. Mais seul le Père connaît le jour. Coupled with the fact that the Lord is now giving revelation. Couplé avec le fait que maintenant le Seigneur est en train de donner la révélation. Of the wedding rings having been prepared. À propos des anneaux de noces ayant été préparés. Of how the dead will rapture. De comment le jour de l'enlèvement. Of the clock in heaven. De la pendule dans le ciel. What the time in heaven looks like, 1 minute to midnight. Qu'est-ce que le temps dans le ciel a l'air, 1 minute avant minuit? That surely tells us. Ça nous montre, ça nous dit certainement. That the Lord is sounding a warning to the church. Que le Seigneur est en train d'essayer d'avertir l'Église. That she may prepare. Pour qu'elle puisse se préparer. So she may not be caught unaware. Qu'elle ne puisse pas être sans le savoir. In other words, to be on the watch, to be watchful. En d'autres mots, être sur ses gardes, être vigilante. For this mighty, irretrievable day of the rapture of the church. Pour ce puissant, irréparable jour de l'enlèvement de l'Église. And that even stresses the gravity of this message I'm going to give today. Et que même stresse la gravité du message que je vous donne aujourd'hui. When the Lord himself talked about. Quand le Seigneur lui-même parle à propos the wedding of the Lamb of God, du mariage de l'agneau de Dieu as being equalized, being synonymous, comme étant égal, comme étant synonyme in a parable of the 10 virgins, à la parabole des 10 vierges. 5 who were foolish and failed to enter, 5 étaient folles et n'ont pas pu être enlevées, 5 wise and entered into the banquet, the wedding of the Lamb of God. 5 étaient sages et sont entrés dans le banquet du mariage de l'agneau de Dieu. But today I want to walk with you very carefully. Et aujourd'hui, j'aimerais marcher avec vous d'une manière très prudente. I'm going to dissect with you every single word the Lord spoke in this parable. Je voudrais disséquer avec vous chaque mot qui sont dits dans cette parabole. Because the Lord has made me now understand. Parce que le Seigneur m'a fait maintenant comprendre that inside this scripture is embedded and is hidden the secret of who makes it into the wedding of the Lamb of God. Parce que dans cette parabole est inclus le secret de pour savoir qui est inclus dans le mariage de l'agneau de Dieu. And I think that's very critical for the church. Et je pense que c'est vraiment critique pour l'Église. Because that is the turning point. Parce que ça, c'est le point tournant. That is the age. Ça, c'est le temps. And that is the absolute difference. C'est l'absolue, la différence absolue. Between those that make it and those that do not make it. Entre ceux qui seront enlevés et ceux qui ne le seront pas. So I'll start by reading the lead scripture. On va commencer à lire dans l'écriture. In the book of Matthew 25. Dans l'évangile de Matthieu 25. Verses 1 to 13. Les versets 1 à 13. And then I'll walk you very carefully. Et ensuite je vais vous conduire très prudemment. Into the multifaceted dimensions of this scripture. Dans les faces nombreuses de cette écriture. And in so doing the Holy Spirit will minister to you. Et en faisant comme ça, le Saint-Esprit va vous enseigner. Even on the requirements of the perfect bride of Christ. Même à propos de ce qui est exigé de la parfaite épouse de Christ. That here is symbolized by the five wise virgins. Alors ici, c'est symbolisé par les saints vierges sages. So you too may be able to wear this character. Alors, vous aussi, vous pouvez être capable de vêtir ce caractère. And enter into the rapture. Et entrer dans l'enlèvement. Remember, after the rapture, there is no church. Souvenez-vous, après l'enlèvement, il n'y a plus d'église. And there is no Holy Spirit. Il n'y a plus de Saint-Esprit. He is only left with the Hebrew church. Il est laissé seulement à l'église hébraïque. So they may be able also to enter into the kingdom of God. Alors ils peuvent être aussi capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Now in this scripture it says, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins. Dans l'écriture il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Who took their lamps? Qui, ayant pris leurs lampes? And if you follow this very carefully, he's talking about 10 virgins who took their lamps. Et si vous regardez vraiment clairement, il s'agit de 10 vierges qui ont pris leur lampe. And went out to meet the bridegroom. Et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 of them were foolish. 5 d'entre elles étaient folles. And 5 were wise. Et 5 étaient sages. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. You begin to understand. Vous commencez à comprendre that there was oil available for them. Qu'il y avait de l'huile à disposition pour elles. But they did not take the oil. Mais elles n'ont pas pris d'huile. And I'm going to get very deep today. Et je vais aller très profondément aujourd'hui. And you'll be very astonished as to what the Lord implied here. Et vous allez être très étonné à propos de ce que le Seigneur dit ici. Again, I repeat, the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Et je répète encore, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Verse 5, it says, the bridegroom was long time in coming. Le verset 5 dit, comme l'époux tardait, and they all became drowsy and fell asleep. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. At midnight, the cry rang out. Au milieu de la nuit, à minuit, on cria. Here is the bridegroom. Voici l'époux. Come out to meet him. Allez à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Verse 7. Verset 7. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Remember, all the virgins woke up, all of them. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Souvenez-vous, toutes se réveillent, toutes celles d'entre elles. The wise and the foolish. Les sages et les folles. And trimmed their lamps. Et préparèrent leurs lampes. The foolish ones say to the wise, les folles dirent aux sages, give us some of your oil, our lamps are going out. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Hallelujah. Alléluia. No, they replied, Les sages répondirent, non. There may not be enough for both us and you. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Instead, go to those who sell oil. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. And buy some for yourself. Et achetez-vous-en pour vous. Verse 10. Le verset 10. He says, but while they were on the way to buy the oil. Il est dit, pendant qu'elles allaient en acheter. The bridegroom arrived. L'époux arriva. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. And the door was shut. Et la porte fut fermée. And remember that every time the door is shut. Et souvenez-vous de ça, chaque fois que la porte est fermée, it is surely shut. C'est certainement fermé. Forever. Pour toujours. We remember this very well during the time of Noah. Souvenez-vous ça très bien pendant le temps de Noé. In the book of Genesis chapter 7 verse 16. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 7 au verset 16. When all who were coming in were male and female of all creatures, all animals. Quand tous étaient en train d'entrer, qui étaient mâles et femelles, de toutes ces créatures, des animaux. And when Noah had entered in, et Noé est entré. The Bible says, and the Lord shut the door. Et la Bible dit, et la porte était fermée, et le Seigneur a fermé la porte. That means it is the Lord that shuts the door. Ça signifie que c'était le Seigneur qui a fermé la porte. We see that here also. Vous voyez que ici aussi, and the door was shut. Et la porte était fermée. That means this is a very critical message to you because it comes to you before the door is shut. Ça c'est un message très important pour vous parce que il vient à vous avant que la porte soit fermée. So you surely have a window. Alors sûrement vous avez une fenêtre. Even to go into some of the character traits that the Holy Spirit is going to talk about. Et même d'aller dans quelques traits de caractère dont le Saint-Esprit est en train de parler. So you may be able to enter before the door is shut. Alors vous allez être capable d'entrer avant que la porte se ferme. Look at what he says, verse 11. Regardez ce qu'il dit au verset 11. Later the others also came. Ça, they said. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur. Open the door for us. Ouvre-nous. But he replied, I tell you the truth, I do not know you. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Let us stop there. Arrêtons-nous là. That is a very deep scripture. C'est une écriture très profonde that has everything you need to enter into the kingdom of God. Qui a tout ce dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. First of all, what you see very clearly from this scripture. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit très clairement à propos de cette écriture? Is that the Lord Jesus himself. C'est que le Seigneur Jésus lui-même, who is the bridegroom, qui est l'époux, is talking about, parle à propos, what will happen on the day of the rapture, de ce qui va arriver le jour de l'enlèvement, the day of the wedding of the lamb, le jour des noces de l'agneau. So surely this is a critical message because it comes right from our Lord himself. Alors c'est certainement un message très important parce qu'il vient directement du Seigneur lui-même. The chief bridegroom. L'époux chef. And the second thing. Et la deuxième chose. You see that he is equalizing. Vous voyez qu'il égalise. He is giving the example. Il donne un exemple. Of the day of the wedding of the lamb. Du jour du mariage de l'agneau. As being same as 10 virgins. Qui a comme 10 vierges. And you see here he's talking about 10 virgins. Et vous voyez ici, il parle à propos de 10 vierges. Who set out. Qui sont sorties. To go meet the bridegroom. Pour aller à la rencontre de l'époux. And all the 10 virgins. Et toutes les 10 vierges. If you look very carefully at this scripture. Et si vous regardez vraiment attentivement à cette écriture, they picked their lamps. Elles ont pris leurs lampes. All the 10 virgins picked their lamps. Les 10 vierges ont pris leurs lampes. And the Bible says very clearly here, et la Bible dit très clairement ici, in verse 1, au verset 1, who took their lamps and went out. Qui ont pris leurs lampes et sortirent. Alléluia. Alléluia. They went out, which means they stepped out of the house. They went out to meet the bridegroom. Elles sont sorties pour rencontrer l'époux. That right away tells you. Alors ça vous dit tout de suite. That the two groups. Que les deux groupes. The two churches, if you want to put it, that the Lord is talking about here. Les deux églises, si vous voulez le voir comme ça, dont le Seigneur est en train de parler. The five foolish virgins. Les cinq vierges folles. And the five wise virgins. Et les cinq vierges sages. All of them had their lamps lit. Toutes ont leurs lampes allumées. And all of them were aware that very soon the bridegroom is coming. Et toutes savent que très prochainement l'époux vient. Alléluia. Alléluia. They were aware of the prophetic timeline. Elles connaissaient à propos du temps prophétique. The time has changed, that the end time has arrived. Le temps a changé et la fin des temps arrive. So you see very clearly they take their lamps. Alors vous voyez très clairement qu'elles prennent leurs lampes. That is the salvation of the Lord. Their lamps are lit. Ça c'est le salut du Seigneur. Les lampes brillent. And now the most critical thing is this. Et maintenant la chose la plus importante est ça, cela. They went out. They stepped. Elles sont sorties. They stepped out of the house. Sorties de la maison. Out of the house of the Lord. Sorties de la maison du Seigneur. To go out. Aller dehors. To meet the Lord. Pour rencontrer le Seigneur. The other thing that you gather about this very important message the Lord gave to the church. Autre chose que vous apprenez à propos de cette très important message que le Seigneur donne à l'Église. Is that? C'est ça. The waiting for the bridegroom. L'attente de l'époux would have to take place out in the night, in the darkness. Aura à prendre place dehors, dans les ténèbres. Because he comes in the midnight hour. Parce que il vient à minuit. So that tells you that there is going to be darkness out. Alors ça va être nuit dehors. The reason for which there was absolute necessity. La raison pour laquelle il y a une nécessité absolue. For them to carry the lamps. Pour elles d'avoir des lampes. So they step out into the darkness. Hallelujah. Alors elles sont allées dehors dans les ténèbres. Alléluia. And the other thing you see about them. L'autre chose que vous voyez avec à propos d'elles. Is that the foolish virgins? C'est que les vierges folles, as they step out, comme elles sont sorties, they did not take. Elles n'ont pas pris. It's not they did not buy. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas acheté. Or they did not request for. Ou qu'elles n'ont pas demandé pour. They did not take the jar of oil. Elles n'ont pas pris la jarre d'huile. That means the oil was available to all. Ça signifie que l'huile était disponible pour toutes. Alléluia. Alléluia. While the wise virgins, pendant que les vierges sages, he says very clearly here, il dit très clairement ici, verse 3, verset 3, the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Verse 4, verset 4, the wise, however, took oil in jars along with their lamps. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des jarres. So you begin to see already what distinguished. Vous voyez déjà qu'est-ce qui distingue the foolish from the wise virgins. Les folles des sages vierges. Is that the wise virgins were able to pick a jar of oil each of them? Parce que les sages étaient capables de prendre une jarre d'huile avec elles. As they stepped out, by the way. Quand elles sont sorties de cette manière. So you see very clearly from the word go that the Lord is talking about the end time here. Alors vous voyez depuis le début qu'il est en train de parler de la fin des temps ici. And he's talking about a remnant. Et il est en train de parler d'un restant. That will have been sensitized in the Holy Spirit. qui va être sensible au Saint-Esprit. Even to have realized that, même en ayant réalisé cela, very soon the rapture will take place. Très soudain, l'enlèvement va prendre place. Which means the chief bridegroom, ça signifie que le chef époux is going to appear very soon. Va apparaître très prochainement. He's not talking about the general church. Ça n'est pas, il ne parle pas à propos de l'église générale. He's talking about a minority in the church, and I'm telling you, it is a minority. Une minorité dans l'église, et je vous le dis, c'est une minorité. It's a remnant. Le restant. That are sensitized enough. Qui a été assez sensible. In the Holy Spirit. Dans le Saint-Esprit. Even to know that the wedding rings are ready. Même pour savoir que les anneaux de noces sont prêts. And to know that the clock in heaven reads 1 minute to midnight. Et de savoir que la pendule du ciel montre 1 minute avant minuit. And to know that, look, let us step out of the four walls. Et savoir cela. Regarde, sortons des quatre murs. And go out and wait on the bridegroom. Et allons dehors et attendons l'époux. You see what I'm talking about? Vous voyez à propos de quoi je suis pas en train de parler? This is an elite group. C'est un groupe d'élite. It's a small group, it's a minority. Un petit groupe, une minorité. Elite that steps out. Une élite qui sort. But out of that elite, mais en dehors de cette élite, it comes out very clearly in this scripture, ça ressort très clairement de cette écriture, that the Lord is saying, five were foolish, que le Seigneur dit, cinq étaient folles, and five were wise. Et cinq était sage. Why does Jesus use five foolish and five wise, equal number? Pourquoi est-ce que le Seigneur utilise cinq folles et cinq sages, un nombre égal? In other words, the Lord is talking about, en d'autres mots, le Seigneur est en train de parler à propos that minority, first of all, to begin with, cette minorité, en premier, pour commencer avec, take the 6 billion plus on earth, prenez les 6 milliards, même plus, sur la terre. With all the different religions, the atheists, the non-believing. Avec toutes les différentes religions, comme les athéistes, les non-croyants. The secular people. Les gens qui sont du monde. And then take the Pentecostal now. Et maintenant, prends les pentecôtistes. Forget about the Catholicism, all the other religions. Oubliez à propos des catholiques et des autres religions. That are within the so-called Christian faith as being put on a very generic term. Ils sont parmi les croyants à la fois tellement froides dans un terme générique. Now take those who are enlightened about the Holy Spirit. Alors maintenant, prenez ceux qui sont éclairés par le Saint, à propos du Saint-Esprit. And about the teachings, the pure holy teachings of the Word of God. À propos de l'enseignement, de pur, saint enseignement de la parole de Dieu. Let's say the Pentecostal church, if you want to put it that way. Disons l'église de Pentecôte, si vous voulez le mettre dans cette manière. Because there are even churches that don't teach about the Holy Spirit. Parce qu'il y a même des églises qui n'enseignent même pas à propos du Saint-Esprit. I'm talking about now the Pentecostal churches. Alors maintenant je parle à propos de l'église de Pentecôte. It's an absolute minority. C'est une absolue minorité. Proportionate to the world population. Par rapport à la proportion de la population du monde. Now, out of that minority, maintenant, je veux prendre cette minorité that constitute the Pentecostal Bible teaching church, qui constitue l'église de Pentecôte qui enseigne la Bible. Holy Spirit believing or believing in the infilling of the Holy Spirit, qui croit au Saint-Esprit ou croyant à être rempli du Saint-Esprit. They may not be infilled, but at least believing in it. Ils peuvent ne pas être remplis, mais à la fin, croyant en ceci. Or pursuing that direction. Ou en étant persuadés de cette direction. Take that minority. Prenez cette minorité. Out of the global population. En dehors de la population globale. It's a small minority, by the way. C'est une petite minorité de cette manière. Now, take a fraction of that. Maintenant, prenez une fraction de cela. That has been sensitized enough. Qui a été assez sensible. To be able to step out. pour être capable de sortir. That's what the Lord is talking about here. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler ici. So you begin to understand. Alors, vous commencez à comprendre. That the Lord is talking about the remnant. Que le Seigneur est en train de parler du restant. The definition, redefining the remnant. La définition, redéfinissant le restant. That will make the perfect bride of Christ. Qui va faire la parfaite épouse de Christ. You see that? Vous voyez ça? And surely, this conversation I have with you, this scripture I'm reading today. Et certainement, cette conversation que j'ai avec vous aujourd'hui, cette écriture que nous lisons aujourd'hui. And this revelation I'm bringing to you. Cette révélation que je vous apporte. Even redefines. Même redéfinir the scripture of the book of Zechariah, chapter 13. L'écriture du livre de Zacharie, le chapitre 13. Quand il dit que dans tout le pays, il va apporter le jugement sur les deux tiers. And the one third, the minority that remains, et le tiers, la minorité, he will now pass through the fire. Listen to this. Il veut le passer à travers le feu. Écoutez-moi. The one third, which is already a minority, le tiers qui est déjà une minorité, he will now pass that, il veut maintenant le passer into the fire of the Holy Spirit, dans le feu du Saint-Esprit. Refine them like gold, le raffiner comme l'or and silver, and test them like gold, et argent et le tester comme de l'or. Refine them like silver, test them like gold, le raffiner comme de l'argent et le tester comme de l'or. Which means take the one third minority. Ce qui signifie que prendre le tiers, cette minorité, pass that through the fire of the Holy Spirit, le passer à travers le feu du Saint-Esprit, and then redefine the bride of Christ, which means, et ensuite redéfinir l'épouse de Christ, ce qui signifie the remnant of the remnant. Le restant du restant. Is what he's talking about here. De quoi est-il en train de parler ici? Alléluia. Alléluia. And said, those ones will be mine. Et il dit, ceux qui seront miens. And they will say, the Lord, he is our God. Et qui diront, le Seigneur est notre Dieu. And I will say, they are my people. Et je leur dirai, mon peuple. And they will call upon me. Et ils veulent m'appeler. And I'll respond to them. Et je vais leur répondre. Alléluia. Alléluia. This is how sobering this is to the church. Rend l'église sobre. The Lord is talking about. Le Seigneur est en train de parler à propos. The minority. De la minorité. Within the Pentecostal churches. Dans l'église de Pentecôte. That will be sensitized enough to know that Christ is coming soon. Qui va être assez sensible pour savoir que le Seigneur arrive très très bientôt. So they may step out. Alors ils sortent. You see that? Vous voyez ça? Step out of there to go in the darkness. Sortir de là pour aller dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. To wait on the bridegroom. Pour attendre l'époux. And let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. When you look at this scripture here, you see that the bridegroom is coming in the darkness. Quand on voit les écritures, on voit que l'époux vient dans les ténèbres. He's not coming in the house. Il ne vient pas dans la maison. He's coming out there. Il vient en dehors. But after taking the small minority, mais après avoir pris cette petite minorité, that has separated out from the Pentecostal churches, qui ont été séparés, sortis de l'église de Pentecôte, to go out in the darkness, pour aller dehors dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. The world has darkness. I'm going to define all these things for you. Le monde comme ténèbres. Je vais vous définir toutes ces choses pour vous. But to go out there, take that minority. Mais aller dehors, là, prendre cette minorité. Then he says, divide it by half. Et il dit, diviser en deux. Only half will enter. Seulement la moitié vont entrer. That's why he said five and five. C'est pourquoi il dit cinq et cinq. 50%. Le 50%. Hallelujah. Hallelujah. It is an absolute minority. It's a real remnant of the remnant. C'est une absolue minorité. Le reste du reste. But you see very clearly that, hallelujah, that the wise virgins. Mais vous voyez très clairement, alléluia, que les vierges sages are able to take a jar of oil with them, sont capables de prendre la jarre d'huile avec elles, while the foolish virgins do not take oil. Là où les vierges folles n'ont pas pris d'huile. The other thing that stands out here is that l'autre chose qui ressort ici. Again, if you look at what the Lord Jesus was saying here. Encore, si vous regardez à propos de ce que le Seigneur est en train de dire ici. All the virgins took a lamp of oil that was burning. Toutes les vierges ont pris une lampe qui était en train de brûler. Again, let me put it right. Ensuite, laissez-moi le mettre juste. All the virgins took a lamp. Toutes les vierges ont pris une lampe that was burning, qui était en train de brûler. Wise or foolish. Les sages et les folles. All the virgins went out. Toutes les vierges sont sorties. Alléluia. Alléluia. All the virgins went to wait on the chief bridegroom who was coming. Toutes les vierges sont allées attendre le chef époux qui était en train de venir. In the darkness. Dans les ténèbres. All the virgins. Toutes les vierges. Because the bridegroom was long time in coming. Parce que l'époux tardait à venir. Became drowsy. Elles se sont assoupies. You see that? Vous voyez ça? All the 10 virgins. Toutes les 10 vierges. And all the 10 virgins. Et toutes les 10 vierges. Fell asleep. Se sont endormies. And to take it further, et pour le aller plus loin, when the midnight hour came, quand l'heure de minuit est arrivée, look at this somebody, regardez ça, all the virgins woke up, toutes les vierges se sont réveillées, alléluia, alléluia, and when all the virgins woke up, et quand toutes les vierges se sont réveillées, what did you see? Qu'est-ce que vous voyez? All the 10 virgins had to trim their lamps. Toutes les 10 vierges ont préparé leurs lampes. Which means their lamps were going out. Qui signifie que les lampes s'éteignaient. Their lamps were getting burnt out. Les lampes étaient presque éteintes. Which means the performance of all the 10 lamps. Qui signifie que la performance de ces 10 lampes. When it came to the midnight hour. Quand l'heure de minuit est arrivée. Became compromised. Elles sont devenues compromises. You see that? Vous voyez ça? Which means there was a heavy requirement. Qui signifie qu'il y avait une lourde exigence. On the lamps. Sur les lampes. At the midnight hour, we're going to talk about these things. À l'heure de minuit, nous allons parler à propos de ceci. And all the virgins trimmed their lamps. Toutes les vierges préparent leurs lampes. But what is amazing to me here? Qu'est-ce qui m'étonne ici? Is the fact that. C'est le fait que. The midnight hour. L'heure de minuit appears to be the defining moment apparaît être le moment définitif that is now able to distinguish où on peut maintenant distinguer between the foolish virgins entre les vierges folles and the wise virgins et les vierges sages. Because until the midnight hour, parce que jusqu'à l'heure de minuit, everything happened to all the virgins. Tout est arrivé à toutes. Les vierges. Became drowsy. Elles s'assoupissent. Fell asleep. Elles s'endorment. All of them were in one accord. Toutes, elles étaient dans un seul accord. All of them were operating in synchrony. Toutes, elles faisaient les choses en même temps. Until the midnight hour. Jusqu'à l'heure de minuit. Is when now you could see the sharp difference between the wise virgins and the foolish virgins. C'est là que vous voyez la différence aiguë entre les vierges folles et les vierges sages. But let me bring it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. When the Lord Jesus, quand le Seigneur Jésus was talking about the foolish virgins, était en train de parler des vierges folles that did not enter into the kingdom of God, qui ne sont pas entrées dans le royaume de Dieu. When our Lord Jesus was talking about, et maintenant, quand Jésus était en train de parler the five foolish virgins des 5 vierges folles that failed at the midnight hour qui ont manqué l'heure de minuit to enter into the kingdom of God, qui ont manqué d'entrer dans le royaume de Dieu, Whom was the Lord talking about? De qui le Seigneur était-il en train de parler? Because I strongly believe right now. Parce que je crois d'une manière très forte, juste maintenant, that the secret to entry into the kingdom of God, que le secret pour entrer dans le royaume de Dieu, the secret that is embedded within the word of the Lord in the Bible, le secret qui est intégré dans la parole de Dieu, la Bible, on the identity of the perfect bride of Christ, à propos de l'identité de la parfaite épouse de Christ, is embedded and is resident, est intégré et réside in the ability of the church, dans la capacité de l'Église to receive revelation, de recevoir la révélation, which revelation will be able to define, laquelle révélation va être capable de définir who these five foolish virgins were. Qui étaient ces cinq vierges folles. That is where the secret for entering the kingdom of God is. C'est là où est le secret pour entrer dans le royaume de Dieu. It will not come from defining the wise virgins. Ça ne va pas venir dans la définition des saints vierges sages. It will come from the church being able. Ça va venir de l'Église étant capable. To know that which she must avoid. De savoir ce qu'elle doit éviter. So she may enter the kingdom of God. Alors, elle peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. And you see very clearly. Et vous voyez très clairement. That there are several scenarios here I want to walk you through. Let me bring you to another level on this now. Qu'il y a ici plusieurs scénarios à travers lesquels j'aimerais vous amener. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. Who were these people? Qui étaient ces gens? That the Lord symbolized, que le Seigneur a symbolisé, as the five foolish virgins, en tant que cinq vierges folles. Number one. Numéro un. You have seen very clearly, vous voyez très clairement, that there are several things that were happening, qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées, which are very similar across the board, qui sont très similaires à travers le tableau, to both the foolish and the wise virgins. À propos des deux, les folles et les vierges sages. Again, I repeat it to you here. Et je vous le répète ici. All the virgins, toutes les vierges, carried a lamp, portaient une lampe. And all the virgins had their lamps lit. Toutes les vierges avaient leur lampe allumée. Alléluia. Alléluia. The other thing you see here is that, l'autre chose que vous voyez ici, all the virgins stepped out, c'est que toutes les vierges sont sorties. In the darkness, dans les ténèbres, and inside that darkness out there, et dans ces ténèbres dehors, all the virgins, toutes les vierges, were awaiting, étaient en train d'attendre, which means they were aware that very soon, ce qui signifie qu'elles étaient au courant que très prochainement, the chief bridegroom, the Messiah, le chef époux, le Messie, our Lord Jesus would appear to take his bride. Notre Seigneur Jésus allait apparaître pour prendre son épouse. They were aware. Elles étaient au courant. All the virgins, we can see very clearly, toutes les vierges, vous pouvez voir très clairement, in their inherent nature, dans leur nature inhérente, in their personal being, their personal nature, dans leur être personnel, dans leur nature personnelle, in their propensity, their capacities, dans leur penchant, dans leur capacité, were not able to hold on to the waiting process. N'étaient pas capables de tenir bon pendant qu'elles attendaient. Alléluia. Alléluia. That all the 10 virgins, que toutes les 10 vierges, became drowsy because of the weariness, the drudgery of the waiting process. Elles s'assoupirent parce que, à cause de la fatigue, à cause de l'ennui, pendant cette attente. The heavy duty nature, la nature des lourds devoirs, of the waiting process for the chief bridegroom, dans le procédé d'attente du chef époux. The Bible says, and the bridegroom was long time in coming. La Bible dit, et l'époux était long à venir. So all of them could not hold, they had a poor lagging ability. Toutes n'ont pas pu tenir. Elles avaient une capacité de persévérance qui était pauvre. Holding on ability. La capacité de tenir bon. You see that? Vous voyez ça? And all of them became drowsy. Et tous se sont assoupis. And all of them became sleepy. Et toutes se sont endormies. And indeed fell asleep. Et en fait, se sont endormies. Alléluia. Alléluia. But we see that all of them. Alors vous voyez que toutes. Heard. Ont entendu. Listen to me, somebody. This is critical for the church. Écoutez-moi, c'est très important pour l'Église. All of them heard the voice of the archangel. Toutes entendirent la voix de l'archange. All of them heard the announcement at the midnight hour. Toutes entendirent l'annoncement de l'heure de minuit. Which announcement was announcing the coming of the bridegroom? Quel annoncement annonçait la venue de l'époux? The midnight cry. Le cri de minuit. This is very tricky for the church. Ça, c'est très important pour l'Église. Because we also know. Parce que nous savons aussi. That the majority of the church. Que la majorité des Églises. Will not even hear the voice of the archangel. N'entendra même pas le cri de l'archange. You see that? Vous voyez ça? The majority of the church. La majorité de l'Église. Will not even hear the trumpet call of God. N'entendra même pas l'appel de la trompette de Dieu. We know that only those. Nous savons que seuls ceux. Who have operated in the Holy Spirit. Qui ont opéré dans le Saint-Esprit. Whose spiritual ears have been opened. Qui ont des oreilles spirituelles ouvertes. Will be able to hear the voice of the archangel. Seront capables d'entendre la voix de l'archange. Because that voice is a spiritual voice. Parce que cette voix est une voix spirituelle. We also know. Nous savons aussi. That the Bible puts it very clearly. Que la Bible le met très clairement. That only those who have operated in the Holy Spirit. Que seuls ceux qui opèrent avec le Saint-Esprit. Whose spiritual ears have been opened by the Holy Spirit. Dont les oreilles ont été ouvertes par le Saint-Esprit, will be able to hear seront capables d'entendre the trumpet call of God. L'appel de la trompette de Dieu. Because that trumpet is a spiritual trumpet. Parce que cette trompette est une trompette spirituelle. Alléluia. Alléluia. And those that will have their spiritual ears open. Et ceux qui auront ces oreilles spirituelles ouvertes as in being able to hear the voice of the archangel, seront capables d'entendre la voix de l'archange and the trumpet of God, et la trompette de Dieu are an absolute minority, even in the church, by the way. Ils sont une absolue minorité, même dans l'Église, de cette manière. You see that? Vous savez ça? Especially considering how things are moving in the church today. Et spécialement considérant comment les choses sont en train de bouger dans l'Église aujourd'hui. But out of that, mais en dehors de cela, we very clearly see, nous voyons très clairement, that when all the 10 virgins, que quand les 10 vierges, have heard the voice of the archangel, ont entendu la voix de l'archange, announcing the coming of Christ the Messiah in the rapture, annonçant la venue de Christ le Messie dans l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Which mighty coming. Cette puissante venue. Is coming to take the perfect bride. Vient pour prendre la parfaite épouse. All of them. Toutes d'entre elles. Are able to wake up from the sleep. Sont capables de se réveiller de leur sommeil. And all of them are able to trim their lamps. Et toutes celles d'entre elles sont capables de préparer leurs lampes. It's called the week kitambi in local Swahili language in Africa, Kenya here. Ça s'appelle la mèche kitambi en langue locale, le Swahili au Kenya en Afrique. Which means, ce qui signifie, these lamps were burning all through. Ces lampes étaient toujours en train de brûler. But when it comes the midnight hour, mais quand l'heure de minuit est venue, all of a sudden there is excessive load, tout à coup, il y a une charge excessive on the burning of the lamps. Sur les lampes qui étaient en train de brûler. So they are forced to trim. Alors elles sont obligées de préparer those virgins without oil, et ces vierges sans huile and the virgins with oil. Et les vierges avec l'huile. There is a heavy load requirement, a heavy requirement on the lamps Il y a une lourde charge d'exigence sur les lampes. At the midnight hour. À l'heure de minuit. Alléluia. Alléluia. So, who were these five foolish virgins? Où étaient, qui étaient ces cinq vierges folles? That even after hearing the voice of the archangel. Qui, même après avoir entendu la voix de l'archange. Even after hearing the trumpet call of God. Après avoir entendu le son de la trompette de Dieu. Were not able to enter. N'étaient pas capables d'entrer. I believe now. Je crois maintenant. Based on this revelation the Lord has given me. Basé sur cette révélation que le Seigneur m'a donnée. This is the secret. Que c'est le secret. That the church has been awaiting. Que l'Église qui a été en train d'attendre. So she may be able. Alors, elle peut être capable. To really define and redefine. De vraiment définir et redéfinir. The identity of the perfect bride of Christ. L'identité de la parfaite épouse de Christ. So whom did the Lord Jesus symbolize? Alors qui le Seigneur Jésus a symbolisé? By the five foolish virgins. Par les cinq vierges folles. Who did not take an extra jar of oil? Qui n'ont pas pris une jarre d'huile en plus. Even as they stepped out. Même si elles sont sorties. To meet the chief bridegroom. Pour rencontrer le chef époux. Alléluia. Alléluia. Isn't that amazing? Qu'est-ce que c'est étonnant? Now listen to this. Écoutez ça. There could have been several people. Ça peut avoir été plusieurs personnes. I'm going to walk in the whole battery, the whole spectrum. Je vais vous entraîner dans une perspective complète. The whole possibility. Dans toute la possibilité. What the Lord Jesus could have implied. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus peut avoir supposé when he spoke about quand il parle à propos the five foolish virgins. Des cinq vierges folles. And based on what I will have said, et basé sur ce que j'aurai à dire, it will come out very clearly, ça va venir à la lumière très clairement with pinpoint accuracy, avec une précision exacte whom the Lord Jesus implied. Que le Seigneur Jésus supposait. And based on your ability to identify, et basé sur votre capacité d'identifier this particular group that fails to make it, ce groupe particulier qui ne sera pas enlevé, then you too can be able to avoid that which they did. Que vous aussi, vous soyez capable d'éviter ce qu'elles ont fait. So you can see the kingdom of God. Comme ça, vous pouvez voir le royaume de Dieu. And to me, I think this is a mighty day for the church. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un jour puissant pour l'Église. These are teachings that you don't find anywhere. Cet enseignement que vous ne trouvez nulle part. You don't find in any Christian TV. Que vous ne trouvez pas dans aucune télévision chrétienne. You don't find in any Christian radio. Que vous ne trouverez pas dans aucune radio chrétienne. I even don't have time. Je n'ai même pas le temps to share with the different churches in the different nations. De partager avec toutes les différentes églises des différentes nations. As I bring to them the mighty announcement. Tel que je leur apporte la puissante annonce. Of the coming of our Lord Jesus. De la venue du Seigneur Jésus. In the mighty rapture of the church. Dans le puissant enlèvement de l'église. So let us begin at one place here. Commençons à une place ici. Who are these five foolish virgins? Qui sont ces cinq vierges folles? Whom did Jesus imply here? De qui parle Jésus ici? One possibility is this. Une possibilité ici. In the whole spectrum, one possibility is this. Dans toutes les possibilités. Did the Lord Jesus imply? Est-ce que le Seigneur supposait? Those who reject the Holy Spirit. Ceux qui ont rejeté le Saint-Esprit. Did he imply those outside? Il supposait ceux dehors. Who reject the Holy Spirit? Qui rejettent le Saint-Esprit. That is just a possibility. Ça, c'est une possibilité. Number two. Nombre deux. Let's move it to another level. Laissez-moi vous emmener à un autre niveau. Did he imply the Pharisees? Est-ce qu'il impliquait les pharisiens? Because remember he was talking at that time. Et vous vous souvenez, il était en train de parler dans ce temps. In the presence of the Pharisees. En présence des pharisiens. And the Sadducees. Et des Sadducéens. Because you have to remember very well. Parce que vous avez à vous souvenir très bien. That the Lord Jesus being a prophet. Que le Seigneur Jésus étant un prophète. He was aware that a prophet cannot be received in his own town. Il savait qu'un prophète ne peut pas être reçu dans sa propre ville. Even by his people. Même par ses gens. And the Lord Jesus was also very much aware of the bitter exit. Et le Seigneur était aussi très au courant. That he would have to make. De la mère sortie qui l'aura à faire. The bitter rejection and the bitter exit. La réjection amère et la sortie amère. How they would mistreat him. Comment ils vont le maltraiter. Reject him. Le rejeter. And kill him. Et le tuer. Alléluia. Alléluia. Or was Jesus. Où est-ce que Jésus était. Talking about the Jews. En train de parler à propos des Juifs. That's the broad community, the broad class. La grande communauté, la grande classe de Juifs. Because the Pharisees and the Sadducees were just a section of the Jewish community. Parce que les pharisiens et les sadducéens étaient juste une section de la communauté juive. The Hebrew people. Le peuple juif. Was the Lord implying the Hebrew people, the Jewish people? Est-ce que le Seigneur impliquait les Hébreux, les Juifs? Because you can see very clearly that at that time. Parce que on peut voir très clairement que dans ce temps. The Hebrew people, the Jewish people. Les Hébreux, les Juifs. They did not recognize him as the Messiah. Ils ne reconnaissaient pas en lui le Messie. Which essentially means. Ce qui essentiellement signifie. That they did not recognize. Qu'ils ne reconnaissaient pas. The new covenant of the grace which he brought. La nouvelle alliance de la grâce qu'il a amenée. And remember the difference between the five foolish virgins. Et souvenez-vous la différence entre les cinq vierges folles. And the five wise virgins. Et les cinq vierges sages. Is the jar of oil. C'est la jarre d'huile. And yet we know that the jar of oil. Et nous savons que la jarre d'huile essentially stands for the consecrated olive oil. Essentiellement se tient pour l'huile d'olive consacrée. The consecrated anointing oil. L'huile d'onction consacrée stands for the Holy Spirit. Se tient pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. And there is no way. Et il n'y a pas de manière. The Jewish people, the Jews. Pour les Juifs. And the Pharisees. Et les Pharisiens. And the Sadducees. Et les Sadducéens. Would have had to receive the Holy Spirit. De pouvoir recevoir le Saint-Esprit. If they did not embrace the new covenant of the grace of our Lord Jesus. Si ils n'embrassent pas la nouvelle alliance de la grâce du Seigneur Jésus. Because the Holy Spirit only came through the new covenant of the grace. Parce que le Saint-Esprit vient seulement à travers la nouvelle alliance de la grâce. Alléluia. Alléluia. So did Jesus imply? Est-ce que Jésus impliquait the Pharisees, les Pharisiens, the Sadducees, les Sadducéens, and the Jewish people? Et le peuple juif? Alléluia. Alléluia. Who were these foolish virgins? Qui étaient ces vierges folles?